et le hip hop s'élève. Le poids de moi arraché à ses lèvres, il veut devenir célèbre. Il a la niaque de sa gueule dans les packs, mais le bloc le rattrape, pris au trip dans la mort s'élève. Le poids de moi arraché à ses lèvres, il veut devenir célèbre. Il a la niaque de sa gueule dans les packs, mais le bloc le rattrape, pris au trip dans la mauvaise trappe. Le cœur serré du jour où je me suis éloigné, menant ton poignet, témoin âge poignant, laisse-moi témoigner. Chaque jour on se boit, tu sais, mais l'antipode, tu sais, niquer leur mère pour que tu les renseignes. J'ai grandi trop vite, je suis tombé de ma scène au galop. Comme quoi il faut peu de temps pour tomber à l'eau. On cherche tous la renommée, ça dure qu'un temps. Pour t'entendre que du paumé, on s'est armé, promets niquer le temps. Vois le petit qui s'élève, qui se lâche, appellera, personne n'y réchappera. Fais péter le peur à penser, pour ceux qu'attendent être libérables, qui vivent des vies misérables, pour ceux qu'on appelle les lignes. S'élève, le poids de moi rachia à ses lèvres, il veut devenir célèbre. Il a la niaque de sa gueule dans les bacs, mais le bloc le rattrape, pris au trip dans la mosquée. Le poids de moi rachia à ses lèvres, il veut devenir célèbre. Il a la niaque de sa gueule dans les bacs, mais le bloc le rattrape, pris au trip dans la mauvaise rap. Charlie, esprit de musique hip hop, rappeur croquer ses bottes dans les blocs, ceux qui le soutiennent. Une main sur le cœur et l'autre sur le chrome, écrivain du crime, distributeur de matos. J'ai pop encore plus bref pour vibrer, dénigrer la menace que sont les keufs pour les émigrés. Les blessures par les porteurs de brassards. Je me souviens que mes streams fut abattus par le commissaire Broussard. Mais dehors c'est la jungle à roue. Brasse les barres mais des mecs sont assez roux. Se réfugie dans le peu rare, marijuana éloigné du sang, pensant que personne ne rattrapera. Tant pis, choisis le nouvel itinéraire, tant que ça rémunère, les mineurs n'errent pas dans la galère. Lancé, enfin les autres le pensaient. À terre enterré, il attendait son heure pour régner. Loin. Dans les astres, et lui, un artiste, un emblème pour tous ces jeunes qui le suivent. La douleur s'est fait ressentir dans ses chants, atteint d'une maladie au cœur pendant qu'il gratte dans sa chambre. Le poids de moi rachia à ses lèvres, il veut devenir célèbre. Il a la niaque de sa gueule dans les bacs, mais le bloc le rattrape, pris au trip dans la mosquée. Le poids de moi rachia à ses lèvres, il veut devenir célèbre. Il a la niaque de sa gueule.